France Inter. Heureux de vous retrouver, François Morel, c'est à vous. Oui. D'abord, je vous remercie, Monsieur Demorand, de me laisser la parole. Étant d'un esprit volontiers franc-tireur, je ne suis pas toujours d'accord avec Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, mais là, je voudrais le féliciter pour son opposition radicale, et pas qu'un peu, que je partage totalement à ce phénomène venu comme par hasard d'Angleterre, intitulé le Dry January. Qu'est-ce que le Dry January ? C'est le fait de vouloir rester sobre pendant tout le mois de janvier. Et non seulement de rester sobre, mais de ne pas boire une seule goutte d'alcool. Ce qui, personnellement, me semble inhumain. Je voudrais exprimer ce matin radicalement je suis contre que ce challenge, je crois, contre-productif et puisque générant de la frustration et ne pouvant donc que déboucher que sur de la déception. Réduire sa consommation d'alcool, pourquoi pas ? Pourquoi pas si on en sent le besoin, si on en a envie. Je suis moi-même le premier à prôner cette réduction. Peut-être pas le premier, mais le deuxième ou dans les premiers. Réduire sa consommation d'alcool, oui, mais de manière progressive. Par exemple, il m'arrive, et je peux le prouver devant l'huissier, de passer des matinées entières sans me servir une seule goutte d'alcool. La nuit également, il n'est pas rare que je profite de mon sommeil pour ne pas boire pendant plusieurs heures d'affilée. Mais l'idée de supprimer totalement l'alcool en janvier, alors que les soirées sont longues et que le mois compte 31 jours, est particulièrement nocive pour la personne qui a soif. Un médecin de mes amis, avec qui je prends souvent l'apéritif le digestif, me faisait remarquer que l'eau, toute eau qu'elle est, toute pure qu'elle se présente dans des publicités de torrents et de montagnes enneigées, est également pernicieuse quand elle est prise en trop grande quantité. Boire trop d'eau peut causer une hyponatrémie et je m'étonne à ce sujet que les publicités d'Evian ou de Volvic, à l'instar des alcools, ne précisent pas que l'abus d'eau est également dangereux pour la santé. Encore une fois de plus, c'est deux poids deux dosettes. Dans ce cas-là, pourquoi décider d'un mois de janvier entièrement sans eau, sauf pour se laver les pieds, je suis personnellement prêt à relever le défi. Qui m'aime me suivre, à la bonne vôtre tout le monde. À la bonne vôtre, François Morel. France Inter.